Exercice 1. Tu veux participer à la vie de la cité universitaire? Eh bien, demande ta carte campus. Avec cette carte, tu peux avoir des réductions, participer aux soirées du club campus et plein d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? C'est tout simple. Il suffit d'aller au club et de présenter ta carte d'étudiant et un document qui indique ton adresse actuelle. C'est tout. Bon, j'y vais tout de suite. Carte campus, pour vivre pleinement sa vie d'étudiant.